94.2 Service Compris, l'émission qui vous réveille sur Fadjet. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin. Chaque semaine, nous avons des invités, donc issus du monde social, culturel, artistique, entrepreneurial ou autre. Et ce matin, c'est Laetitia pour Confiance et Talent. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ça va? Alors, est-ce qu'on peut parler? Voilà, mettons-lui bien le micro devant, qu'elle parle bien devant le micro. Ça, c'est le défaut d'Aminata d'habitude. Ah, c'est méchant. Non, c'est méchant. Il est attaquant, il est piquant ce matin. Il est piquant, il est piquant. Laetitia, nos confiances et talents. Est-ce qu'on a confiance, tiens? Est-ce que la majeure partie des gens ont confiance en eux? Ça peut varier. Au cours de la vie. Certains ont confiance, d'autres moins. Ça s'acquiert avec l'expérience, la confiance? Ça peut s'acquérir. C'est ça qui est formidable dans la confiance, c'est qu'à tout moment de la vie, elle peut croître, elle peut s'exprimer. Et bon, il y a une petite partie génétique. Hein, Ah bon? Une partie génétique sur la confiance? Oui, je savais pas. C'est lié au bonheur et on sait aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que génétiquement, on est programmé à 50% pour le bonheur. Ah oh mince! Mais il faut le voir dans l'autre sens. Oui, parce que moi, ça m'attriste, là. Je suis programmé. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes programmé, vous, pour le bonheur, vous, autour de la table? Non, mais moi, je me pose la question. Si t'es programmé à 50% du bonheur, les 50% d'autres, c'est quoi? T'es programmé à quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on a 50% de chance de pouvoir accéder au bonheur. Et ça s'apprend, peut-être, non? Oui, ça s'apprend, tout à fait. D'accord. Donc, alors, Laetitia, vous êtes coach ou tu es coach? Oui. Est-ce qu'on. C'est le métier principal au départ? Oui. Alors, je suis coach et formatrice. D'accord. Non, au départ, j'ai un parcours. Voilà, si on parle un peu du parcours. De juriste, de banquière. D'accord. Pendant 16 ans, où j'ai été manager, où j'ai aussi formé et accompagné les équipes et leurs managers dans des projets de conduite de changement. D'accord. Et puis voilà, une reconversion, puisque je trouve que cette notion de confiance aujourd'hui est au centre et des entreprises et de la vie personnelle de toute personne. Oui, c'est important. Et en plus, en général, en entreprise, je pense que la confiance, on l'acquiert aussi avec les autres, avec ce qu'on dit de nous aussi. Ça peut arriver comme ça, ou nos expériences en entreprise. Et la vôtre, à quel moment on se dit, tiens, j'ai envie de faire un virage, j'en ai marre, ou j'ai envie d'essayer d'aider les autres, peut-être, parce que là, il y a une dimension sociale. Oui, il y a une dimension sociale, voire sociétale, puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet de société, la confiance. À quel moment? Un moment où, au travers de différentes expériences professionnelles, on se rend compte que c'est un sujet qui nous parle et qu'on se sent juste à sa place quand on l'aborde, qu'on découvre que c'est une compétence assez naturelle et qu'elle ne demande qu'à être exploitée. D'accord. Et donc là, ça fait combien de temps à peu près que t'es lancé? Un an. Et donc, c'est la destination de quel type de public en particulier? Alors justement, comme c'est un sujet qui touche tout le monde, ça peut être le particulier. Oui. Je travaille beaucoup en groupe, j'ai mis en place des ateliers autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'affirmation de soi, de la gestion du stress également. Et puis au niveau des entreprises également, sous forme soit de conférence, soit de formation. Ça n'a pas qu'un but professionnel, c'est-à-dire pour acquérir de la confiance, pour évoluer professionnellement, c'est aussi dans sa vie personnelle? Oui. La confiance, elle a quelque chose de magique. C'est un vrai levier de réussite, d'atteinte d'objectifs, voire de juste des fois avoir envie de vivre bien, de se sentir aligné, cohérent. Voilà. À l'inverse, quand on se sent à côté de ses pompes, c'est que derrière, il y a certainement un sujet de confiance qui se cache. Mais comment on apprend à avoir confiance en soi? C'est une question, parce que je pense que si je prenais mon expérience personnelle, c'est vraiment peut-être l'expérience professionnelle de tenter des choses, d'essayer des trucs dans notre vie. Peut-être certains marchent ou pas, mais en tout cas, c'est ça qui fait que moi, j'ai appris à avoir confiance un peu plus en moi, si ce n'est que ce n'est pas à 100%. Et c'est jamais vraiment à 100%, on n'a pas. Et tu dis exactement les choses. C'est que la confiance, elle se traduit dans l'action. D'accord. Elle se construit dans l'action. D'accord. C'est comme, des fois je m'amuse à dire qu'un bébé, quand il apprend à marcher, il tombe environ 2000 fois sur ses fesses. D'accord. Donc si à la première chute, il se disait « Non, c'est bon, c'est trop dur, j'arrête. » On serait tous aujourd'hui assis. C'est ça, on contourne le problème quelque part. Voilà. Ouais. Adultes, retrouvons un peu ce qu'on fait naturellement quand on est enfant, c'est-à-dire osons, mettons-nous en marche, et puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, tout tout est OK. Le résultat est peut-être différent de celui qu'on avait envie d'atteindre, mais il peut être aussi intéressant. En fait, la confiance en soi, c'est accepter les choses, les accueillir comme elles sont. Et la définition que je donne, c'est que c'est la perception qu'on a de soi-même à faire face aux événements de la vie. D'accord. Qu'ils soient bons ou moins bons, d'ailleurs. Donc, on vit dans le présent et on ne se projette pas du tout dans l'avenir en disant « je ne vais pas y arriver, ça ne va pas aller » ou alors au contraire « aujourd'hui, tout va bien, moi c'est bon, qu'est-ce que ça va être demain ?» Et parfois, tu es étonné des profils qui viennent te voir ou a priori, parce qu'on a une image, on renvoie aussi une image et on n'a pas l'impression parfois que certaines personnes n'ont pas confiance en elles et pourtant, si. Oui, alors c'est oui. D'ailleurs, souvent des personnes qui peuvent donner l'impression d'avoir trop confiance ouais, en elles alors c'est ça, oui. Sont des personnes qui, à l'inverse, ont probablement peu confiance en elles. J'ai aussi des personnes qui ont confiance et qui veulent cultiver cette confiance. D'accord. Et pouvoir, avec leur entourage, la propager. Et ça va de pair. Alors du coup, la confiance, après, on valorise les talents, on met en avant ces talents, c'est ça ? Oui, c'est ça. Puisque le fait de dire « je peux faire face aux événements de la vie », ça veut dire qu'avec tout ce que j'ai, c'est très simple, hein, mm-hmm. c'est se dire « je suis comme je suis, j'ai des ressources, j'ai des talents, j'ai des compétences, et si je les exploitais totalement ?» D'accord. Voilà. C'est plus simple d'utiliser ce qu'on a que d'essayer d'acquérir autre chose. Oui, sur une base au départ, et puis après se fixer peut-être d'autres objectifs. Après, on progresse tout au long de la vie, on progresse. Mais quand on sait déjà faire avec tout ce qu'on a, on fait beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle du développement personnel, c'est ça ? C'est du développement personnel. C'est du développement personnel. Alors, si on a envie de te rencontrer, de savoir un petit peu, et de... Alors, au départ, tu fais peut-être, je sais pas, un bilan, un état général de la personne. Oui, alors, si c'est par du coaching en individuel... Oui, si c'est en individuel. Voilà, on est quand même dans le comment. On est dans l'action, hein. Ça n'a rien à voir avec de la psychologie. Oui, c'est ça. On fait le point sur la situation d'aujourd'hui. Il y a une définition d'objectif. Un objectif doit être assez précis. Donc, il se définit en 2-3 séances de coaching. Ensuite, on identifie pourquoi on n'y est pas aujourd'hui. C'est qu'il y a peut-être des blocages, des peurs à lever. Et ensuite, on passe à l'action. Donc, un process de coaching dure 2 mois et demi, 3 mois, pas plus, puisque c'est quelque chose de très concret, très pratique. Et les changements sont vraiment flagrants ? Oui. Oui, parce qu'on est sur des choses simples. Ça touche principalement à de la prise de conscience. D'accord. Le coach, lui, il est là pour questionner et faire prendre conscience à son client de tout ce qu'il peut atteindre et comment il va l'atteindre. D'accord. Alors, on te contacte comment ? Alors, par... si on est un particulier, après, si on est aussi l'entreprise, oui, aussi, l'entreprise c'est aussi. J'ai une page Facebook, j'ai D'accord. une page Instagram. Oui. On trouve mes coordonnées téléphoniques sur Internet en tapant confiance et talent, donc talent avec un S. Oui. T'es sur le secteur, du coup ? Je suis sur Nancy. Après, je travaille sur Nancy-Paris. Oui. Nancy, après, Metz, tout ce qui est possible de faire. Hein. Et on sait qu'on peut le faire aussi aujourd'hui par une sorte de visioconférence. Est-ce que tu le pratiques, oui, ça aussi ? Oui, alors je pratique le coaching par téléphone. Par téléphone. Ça fonctionne très bien. D'accord. Par Skype. Oui, voilà, également. C'est ça, par Skype. Et puis, je mets en place des ateliers où j'aime bien allier des compétences. Il y a énormément de personnes qui travaillent pour le bien-être de tout le monde. Et je mets en place des ateliers qui allient aussi le yoga, puisque le corps et l'esprit sont quand même... Ah d'accord, oui, donc il y a un côté physique aussi oui, alors très dans ta démarche. C'est plutôt pour prendre conscience de son corps et puis permettre à l'esprit après d'être un peu plus disponible pour avancer. Donc ces ateliers-là se passent chez Métamorphose à Nancy. D'accord. Et puis d'autres ateliers avec l'atelier Indécence, avec Isabelle qui est cosmétologue. Où on travaille sur l'estime de soi, puisque l'estime de soi va avec le fait de prendre soin de soi. Et c'est vrai que tu parlais de ça juste à l'instant, moi, ça passe par le sport aussi, je pense. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important, parce que l'hygiène de vie globale aussi, prendre soin de soi, c'est aussi important pour avoir confiance en soi. Oui. Alors, prendre soin de soi, c'est à partir du moment où on prend soin de soi, on se fait un cadeau. Donc, si on se fait un cadeau, on a envie de se dire merci, on est plein de gratitude. On est aussi dans l'estime de soi. Si on prend soin de soi, c'est qu'on s'estime, donc c'est qu'on s'aime. Si on en est là, c'est qu'on a confiance en soi, on sait de quoi on est capable. Et puis, autour de nous, ça se perçoit. La confiance en soi, elle ne viendra jamais d'un tiers. Parce D'accord. que parfois j'entends, est-ce que vous avez confiance en vous ? Quand j'aurai perdu 5 kilos, oui. quand j'aurai trouvé un compagnon dans ma vie, l'inverse fonctionne mieux. D'accord, c'est mieux de travailler sur soi directement. Oui. Merci Laetitia, Confiance et Talent. Directement, vous pouvez la retrouver sur Facebook ou les réseaux sociaux, ou sur Internet. Et puis, bah, bonne continuation à toi. 94 de Service Compris. L'émission qui vous réveille sur Fadjet.